13. Une étude sur le caractère et la conduite de l'étudiant allemand. Le duel d'étudiants allemands. Usages et abus. Impression. L'ironie de la chose. Moyen pour élever des sauvages. La Jungfrau. Son goût particulier quant à la beauté du visage. La Kneipe. Comment on frotte une salamandre. Conseils à un étranger. Histoire qui aurait pu se terminer tristement de deux maris, de leur femme et d'un célibataire. Sur le chemin du retour, nous visitâmes une ville universitaire allemande, désirant avoir un aperçu de la vie de l'étudiant, curiosité que l'amabilité de quelques amis de là-bas nous permit de satisfaire. Le jeune Anglais joue jusqu'à ce qu'il ait atteint 15 ans, puis travaille jusqu'à 20 ans. En Allemagne, c'est l'enfant qui travaille et le jeune homme qui joue. Le garçonnet allemand va à l'école à 7 heures du matin en été et à 8 en hiver. Il travaille à l'école. Ce qui fait qu'à 16 ans, il a une connaissance sérieuse des classiques et des mathématiques, qu'il sait autant d'histoire que n'importe quel individu appelé à prendre place dans un parti politique est censé en savoir. À cela, il joint une science approfondie d'une ou deux langues modernes. C'est pourquoi les 8 semestres d'université, s'étendant sur une durée de 4 ans, sont inutilement longs, sauf pour les jeunes gens qui visent un professorat. L'étudiant allemand n'est pas sportif, ce qui est à déplorer, car il aurait fait un bon sportsman. Un peu de football, un peu de bicyclette. De préférence, des carambolages dans des cafés enfumés. Mais d'une manière générale, tous ou presque tous perdent leur temps à vadrouiller, à boire de la bière et à se battre en duel. S'il est fils de famille, il entre dans un « corps ». La cotisation annuelle d'un « corps » élégant est d'environ 1000 francs. S'il appartient à la classe moyenne, il s'enrôle dans une « Burschenschaft » ou une « Landsmannschaft », ce qui coûte un peu moins cher. Ces groupes se subdivisent à leur tour en cercles dans lesquels on s'efforce d'assembler les jeunes gens des mêmes régions. Il y a le cercle des « Souabes », originaires de Souabes, des Franconiens qui descendent des Francs, des Thuringiens, et ainsi de suite. Dans la pratique, naturellement, la répartition n'est qu'approximative. Selon mes calculs, la moitié de nos régiments écossais sont formés de londoniens. Mais cette division de chaque université en une douzaine de compagnies d'étudiants ne laisse pas d'atteindre à un effet pittoresque. Chaque société a ses couleurs distinctives et possède sa brasserie particulière fermée aux étudiants dont la casquette arbore d'autres couleurs. Son objectif principal est d'organiser des rencontres, soit dans son propre sein, soit entre ses membres et ceux de quelques corps ou shafts rivales. En un mot, d'organiser la célèbre Mensur allemande. La Mensur a été décrite si souvent et si complètement que je ne veux pas fatiguer mes lecteurs de détails oiseux sur ce sujet. Je ne veux que donner mes impressions et principalement celles de ma première Mensur, parce que je crois que les premières impressions sont plus authentiques que les opinions émoussées par l'échange des idées. Un Français ou un Espagnol cherchera à vous faire croire que les courses de taureaux sont une institution créée principalement dans l'intérêt des taureaux. Le cheval que vous imaginez hurlant de souffrance ne ferait que rire au spectacle comique de ses propres entrailles. Votre ami français ou espagnol ne voudrait pas comparer sa mort glorieuse et excitante à la froide brutalité des luttes foraines. Si vous ne restez pas entièrement maître de vous, vous le quittez avec le désir de créer en Angleterre un mouvement en faveur de l'institution des courses de taureaux comme école de chevalerie. Sans doute Torquemada était-il convaincu de l'humanité de l'Inquisition. Une heure passée sur le chevalet devait procurer le plus grand bien-être à un gros gentleman souffrant de crampes ou de rhumatisme. Il se relevait avec plus de jeu, plus d'élasticité dans les articulations. Les chasseurs anglais considèrent le renard comme un animal dont le sort est enviable. On lui procure à bon marché un jour de bon sport pendant lequel il est le centre de l'attraction. L'habitude vous rend indifférent aux pires usages. Le tiers des Allemands que vous croisez dans la rue portent et porteront jusque dans la mort les traces de 20 à 100 duels qu'ils ont eus au cours de leur vie d'étudiant. L'enfant allemand joue à la Mensur dans la nursery et continue au lycée. Les Allemands sont arrivés à croire que ce jeu n'est ni brutal, ni choquant, ni dégradant. Ils allèguent qu'il est l'école du sang-froid et du courage pour la jeunesse allemande. Mais l'étudiant allemand aurait besoin de bien plus de courage pour ne pas se battre. Il ne se bat pas pour son plaisir, mais pour satisfaire à un préjugé qui retarde de 200 ans. le seul effet que produit sur lui la Mansour est de le rendre brutal. Il se peut que ce duel exige de l'adresse, on me l'a affirmé, mais on ne s'en aperçoit pas. Ce n'est, somme toute, qu'un essai fructueux pour unir le grotesque au déplaisant. À Bonn, centre aristocratique par excellence, où règne un goût meilleur, Heidelberg, où les visiteurs des nations étrangères sont nombreux, l'affaire se passe peut-être avec plus d'apparat. Je me suis laissé dire que là, le duel a lieu dans de belles pièces, que des médecins à cheveux blancs y soignent les blessés, que des laquais en livrée y servent à boire et à manger, et que toute l'affaire y est menée avec un certain cérémonial qui ne manque pas de caractère. Dans les universités plus essentiellement allemandes, où les étrangers sont rares, et où on ne les attire pas, on s'en tient aux combats purs et simples, et ceux-ci n'ont rien de plaisant. Ils sont même si répugnants que je conseille au lecteur quelque peu délicat de s'abstenir d'en lire la description. On ne peut pas rendre ce sujet attrayant, et je ne me propose pas de l'essayer. La pièce est nue et sordide, les murs sont souillés d'un mélange de taches de bière, de sang et de suif. Le plafond est enfumé, le plancher couvert de sueur de bois. Une foule d'étudiants riant, fumant, causant, quelques-uns assis par terre, d'autres perchés sur des chaises ou des bancs, forment le cadre. Au centre, se faisant face, les combattants sont debout. Bizarres et rigides, avec de grosses lunettes protectrices, le cou bien enveloppé dans d'épais cache-nez, le corps carapaçonné d'une sorte de matelas sale, et les bras, ouatés, tendus au-dessus de leur tête, ils ont l'air d'un burlesque sujet de pendule. Les seconds, plus ou moins rembourrés eux aussi, la tête et le visage protégés par de vastes casques en cuir, donnent aux combattants, non sans brusquerie, la position convenable. On prête l'oreille au héros d'armes. L'arbitre prend place, le signal est donné, et aussitôt les lourds sabres droits s'entrechoquent. Il n'y a ni animation, ni adresse, ni élégance dans le jeu. Je parle d'après mes propres impressions. Le plus fort et vainqueur, c'est celui dont le bras emmailloté peut tenir le plus longtemps sans trop faiblir ce grand sabre mastoc, soit pour parer, soit pour frapper. Tout l'intérêt réside dans le spectacle des blessures. Elles apparaissent presque toujours aux mêmes endroits, sur le sommet de la tête ou sur la partie gauche de la face. Parfois, une portion de cuir chevelu ou un morceau de joue vole à travers les airs pour être ramassé et conservé soigneusement par son propriétaire, ou plus exactement par son ancien propriétaire qui, orgueilleusement, lui fera faire le tour de la table lors des joyeux festins à venir. Et naturellement, le sang coule à flot de chaque blessure. Il inonde les docteurs, les seconds, les spectateurs. Il asperge le plafond et les murs. Il sature les combattants et forme des mares dans la sueur. À la fin de chaque assaut, les docteurs accourent et, de leurs mains déjà dégoûtantes de sang, compriment les plaies béantes, les épongent avec de petits tampons d'ouate mouillés qu'un aide tend sur un plateau. Naturellement, dès que l'homme se relève et reprend sa besogne, le sang jaillit de nouveau, l'aveuglant à moitié et mettant sur le plancher une glu où le pied glisse. Parfois, on voit les dents d'un homme découvertes jusqu'à l'oreille, ce qui fait que tout le reste du duel, il sourit démesurément à la moitié des spectateurs et offre à l'autre moitié un demi-visage revêche. Ou bien un nez fendu donne à son propriétaire jusqu'à la fin du combat une matamoresque arrogance. Comme le but de chaque étudiant est de quitter l'université porteur du plus grand nombre possible de cicatrices, je doute que personne s'efforce jamais de changer quoi que ce soit à cette manière de combattre. Le vrai vainqueur est celui qui sort du duel avec le plus grand nombre de blessures. Recousu et raccommodé, il est à même le mois suivant de parader de façon à provoquer l'envie de la jeunesse allemande et l'admiration des jeunes filles de là-bas. Celui qui n'a obtenu que quelques blessures insignifiantes se retire du combat mécontent et désappointé. Mais la bataille elle-même n'est que le commencement du divertissement. Le deuxième acte a lieu dans la salle de pansement. Les docteurs sont en général des étudiants de la veille qui, à peine munis de leur diplôme, manœuvrent pour acquérir de la clientèle. La vérité m'oblige à dire que ceux d'entre eux que j'ai approchés m'ont paru gens peu distingués. Ils semblaient prendre plaisir à leur tâche. Leur rôle, d'ailleurs, consiste à amplifier autant que possible les souffrances à quoi un vrai médecin ne se prêterait pas volontiers. La manière dont l'étudiant supporte le pansement de ses blessures compte autant pour sa réputation que la manière dont il les a reçues. Chaque opération doit être accomplie avec autant de brutalité que possible. et les camarades épient soigneusement le patient pour voir s'il traverse l'épreuve avec une apparence de joie et de sérénité. La blessure souhaitable est une blessure bien nette et qui baille largement. Exprès, on en rejoint mal les lèvres, espérant que la cicatrice restera visible toute la vie. L'heureux propriétaire d'une belle blessure, savamment entretenue et maltraitée toute la semaine suivante, peut espérer épouser une femme qui lui apportera une dot se chiffrant au moins par dizaines de mille francs. C'est ainsi que se passent ordinairement les épreuves bi-hebdomadaires. Bon an, mal an, chaque étudiant prend part à quelques douzaines de ces mansours. Mais il y en a d'autres auxquelles les visiteurs ne sont pas admis. Lorsqu'un étudiant s'est fait disqualifier au cours d'un combat pour quelque léger mouvement instinctif interdit par leur code, il lui faut, pour recouvrer son honneur, provoquer les meilleurs duellistes de son corps. Il demande, et on lui accorde non pas un combat, mais une punition. Son adversaire alors lui inflige systématiquement le plus grand nombre possible de blessures. Le but de la victime est de montrer à ses camarades qu'elle est capable de rester immobile tandis qu'on lui taille la peau du crâne. Je doute qu'on puisse produire un argument quelconque en faveur de la mansour allemande. En tout cas, il ne concernerait que les deux combattants. Je suis sûr que l'impression des spectateurs ne peut être que mauvaise. Je me connais assez pour savoir que je ne suis pas d'un tempérament extraordinairement sanguinaire. L'effet qu'elle a donc eu sur moi doit être celui qu'elle produit sur la plupart des mortels. La première fois, avant que le spectacle ne commençât véritablement, j'étais curieux de savoir comment j'allais en être affecté, quoique une certaine habitude des salles de dissection et des tables d'opération m'eût déjà un peu aguerri. Lorsque le sang commença à couler, les muscles et les nerfs à être mis à nu, je pus analyser en moi un mélange de dégoût et de pitié. Mais je dois avouer qu'au deuxième duel, ces sentiments raffinés tendirent à disparaître. Et que le troisième, étant en bonne voie, et l'odeur spéciale et chaude du sang alourdissant l'atmosphère, je commençais à voir rouge. J'en voulais encore. J'examinai les visages des autres assistants, et j'y vis réfléchis d'une manière évidente mes propres sensations. Si le fait d'exciter l'appétit du sang chez l'homme moderne est une bonne chose, je dirais alors que la mansour est utile. Mais en est-il ainsi ? Nous nous enorgueillissons de notre civilisation et de notre humanité. Mais ceux qui ne sont pas assez hypocrites pour se tromper eux-mêmes savent que sous nos chemises empesées se cache le sauvage avec tous ses instincts. Il se peut qu'on désire parfois sa résurrection, mais jamais on n'aura à craindre sa disparition totale. D'un autre côté, il semble peu sage de lui laisser les rênes sur l'encolure. Si l'on examine le duel d'une manière sérieuse, on trouve beaucoup d'arguments en sa faveur. On ne saurait cependant en invoquer aucun en faveur de la mansour. C'est de l'enfantillage, et le fait d'être un jeu cruel et brutal ne la rend nullement moins puéril. Les blessures n'ont aucune valeur par elles-mêmes, c'est leur origine qui leur confère de la dignité et non leur taille. Guillaume Tell est à très juste titre considéré comme un héros. Mais que penserait-on d'un club de pères de famille fondé uniquement pour que ses membres se réunissent deux fois par semaine sur ce programme ? Abattre à l'arbalète une pomme posée sur la tête de leur fils. Les jeunes Allemands pourraient atteindre un résultat analogue à celui dont ils sont si fiers en taquinant un chat sauvage. Devenir membre d'une société dans le seul but de se faire hacher rabaisse l'esprit d'un homme au niveau de celui d'un derviche tourneur. La mansour est en fait la réductio ad absurdum du duel. Et si les Allemands sont par eux-mêmes incapables d'en voir le côté comique, on ne peut que regretter leur manque d'humour. Si on ne peut approuver la mansour, au moins peut-on la comprendre. Le code de l'université qui, sans aller jusqu'à encourager l'ivresse, l'absout est plus difficile à admettre. Les étudiants allemands ne s'enivrent pas tous. En fait, la majorité est sobre, sinon laborieuse. Mais la minorité, qui a la prétention du reste admise d'être le modèle de l'étudiant allemand, n'échappe à l'ébriété perpétuelle que grâce à l'adresse péniblement acquise de boire la moitié du jour et toute la nuit en conservant par un effort suprême l'usage des cinq sens. Cela n'a pas sur tous la même influence, mais il est fréquent de voir dans les villes universitaires des jeunes gens n'ayant pas encore atteint leurs 20 ans avec une taille de Falstaff et un teint de Bacchus, de Rubens. C'est un fait que les jeunes Allemandes peuvent se sentir fascinées par une figure balafrée et tailladée jusqu'à sembler faite de matières hétéroclites. mais on ne découvrira sûrement rien d'attrayant à une peau bouffie et couverte de pustules et à un ventre projeté en avant et qui menace de déséquilibrer le reste de l'individu. D'ailleurs, que pourrait-on attendre d'autre d'un jouvenceau qui commence à 10 heures du matin par le fru Chopin, à boire de la bière, et finit à 4 heures du matin à la fermeture de la Kneipe ?